Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 71. Des préparatifs du baptême. Le catéchisme, l'exorcisme, efficacité de l'exorcisme, qui peut catéchiser et exorciser. 1. Le catéchisme doit-il précéder le baptême? Pour recevoir le sacrement de la foi chrétienne, il faut être instruit des vérités de la foi. D'après ces paroles de l'apôtre, comment croiront-ils au Seigneur, s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment n'entendront-ils parler, si personne ne les prêche? Romains 10, 14. Le catéchisme doit donc précéder le baptême. Notre Seigneur lui-même le plaçait avant ce sacrement, lorsqu'il disait « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, etc. » Note. Quant aux enfants, l'Église leur prête sa foi. Fin de la note. 2. L'exorcisme doit-il précéder le baptême? Préparez votre terre, disait le prophète, et ne semez pas dans les épines. Jérémie 4:3. Par là même qu'un homme est assujetti au péché originel, le démon a sur lui un certain pouvoir. Il convient de le chasser d'abord par l'exorcisme, afin qu'il soit impuissant à s'opposer au salut de celui qui va être baptisé. L'insufflation représente cette expulsion. La bénédiction, accompagnée de l'imposition des mains, lui ferme ensuite la route, afin qu'il ne revienne pas. Le sel que l'on met dans la bouche du catéchumène, la salive appliquée à ses oreilles et à ses narines, signifie qu'il reçoit la foi par les oreilles, qu'il en savoure la bonne odeur par les narines, et qu'il la professe par la bouche. L'onction faite avec l'huile marque son aptitude à combattre contre les démons. 3. Les cérémonies de l'exorcisme ont-elles quelque efficacité? Les cérémonies de l'exorcisme ne sont pas de simples signes sans efficacité, elles éloignent la puissance des démons, et elles ouvrent les sens intérieurs à la perception des mystères du salut. Note. L'effet principal du sacrement est obtenu sans les cérémonies de l'exorcisme, on peut les omettre dans le cas de nécessité. Le danger passé, il faut néanmoins les suppléer, car si un obstacle peut empêcher de recevoir le baptême, un obstacle peut aussi empêcher de jouir de ses effets après qu'on l'a reçu. Fin de la note. 4. Est-il dans l'office du prêtre de catéchiser et d'exorciser le futur baptisé? Il appartient au prêtre de catéchiser et d'exorciser les futurs baptisés, mais les ministres inférieurs peuvent lui prêter leur coopération, les diacres, en présentant le Saint-Crème, les lecteurs, en catéchisant, et les exorcistes, par les fonctions de leur ordre. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.